qu'est en pas bon, qu'est en pas, tu dois te faire ça. Ça vous aime, mais moi, qu'est ça, vous êtes pour quitter moi. Car vous vitez d'être tout ça pour nous, de faire n'importe qui. En fois, qu'est en moi, tu n'y de l'eau qui a coulé. Et en la café couillon, même si vous quittez moi, ça que fait moi mal. Oreilles à cachou chanter des mots d'après moi.